الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قول الله سبحانه وتعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما قال رحمه الله أي في الجنة ف Azwaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les femmes du prophète alayhi sallatu wa sallam, elles ont un fadl azim, عند Allah subhanahu wa ta'ala. Les femmes du prophète alayhi sallatu wa sallam. Al-Nabi ou awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuh ummahatuhum. Et كذلك c'est les mères des croyants, ummahat al-mu'minin. Fa fi hadhi al-aya min surat al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala قال وأعتدنا لها رزقا كريما أي pour chaque femme du prophète عليه الصلاة والسلام une énorme récompense قال ابن كثير رحمه الله الإمام في تفسيره أي في الجنة قال فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين هذا فضل عظيم vu que c'est les femmes du prophète عليه الصلاة والسلام Et vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est fi a'la illiyin fil jannah, il sera dans le plus haut degré fil jannah, al-firdaus. Ces femmes, elles seront en sa compagnie. Radiyallahu anhun. Qala fawqa manazili jami' al-khala'iq fil wasila allati hiya aqrabu manazili al-jannah ila al-arsh. Al-firdaus. Kama ja'a fil athar anna al-arsh C'est أعلى المخلوقات et c'est سقف الجنة. Et en dessous de l'arche, il y a الجنة. Et le plus haut degré de الجنة, c'est الفردوس. فأمهات المؤمنين, les femmes du prophète صلى الله عليه وسلم, elles ont un rang عظيم عند المؤمنين. Et chaque مؤمنة, في الحقيقة, ces femmes, et les femmes du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est un exemple. Pour les mu'minat, as-salihat. Enfin, combien de sacrifices elles ont fait, combien d'épreuves elles ont subies, beaucoup de ilm elles ont propagé. Enfin, le mu'min ou le mu'mina, il doit prendre en exemple ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa hakadha ummahat al-mu'minin wa jami' as-sahabiyyat radiyallahu anhun. ومن أمهات المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ومثل هذه التراجم سيبيوغرافي كالعلماء يسيت في كتب التراجم وفي كتب السير en tant que مؤمن que ce soit les hommes ou les femmes quand on étudie une sira que ce soit celle du prophète عليه الصلاة والسلام ou نبي من الأنبياء ou un صحابي ou une صحابية القصد c'est de tirer des leçons القصد le but c'est de les prendre comme modèle c'est pas مجرد قراءة comme ils font بعض أهل البدع والأهواء أنهم يغسط أو يليز ses biographies et ils tirent aucune leçon Voilà, c'est un khata. Là, les biographies, c'est pour tirer des leçons, c'est pour mettre en application, c'est pour connaître aqidat wa suluk wa ibadat ha'oula al-akhyar. Les prendre comme exemple dans leur aqida, dans leur ibada, comment ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, dans leur comportement fil akhlaq wa suluk, hatta nastavid. Wa al-mar'u ma'a man ahab yawm al-qiyamah. Celui qui étudie ce genre de biographie, bisoudq, Et son but, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui vont le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aimer ha'oula al-akhyar. Que ce soit l'anbiya ou al-rasul ou al-sahaba ou al-ulama. Et celui qui aime ha'oula, il sera avec eux yawm al-qiyama. كذلك وهذه فائدة عظيمة أن الإنسان يبرن كموديل celui qu'il aime. C'est pour ça que éduquer nos enfants من صغرهم, que ce soit les garçons ou les filles, en leur décrivant, en leur expliquant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, في هذه الدراسة il y a des فوائد عظيمة, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Enfin, c'est un sujet très très important, l'étude de la biographie des salafs wa al-anbiya wa ar-rusul alayhim as-salatu was-salam. Amma Khadija fa hiya umm al-mu'minin radiyallahu anha bint Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza al-Qurashi. Son père, il s'appelait Khuwaylid ibn Asad et il faisait partie de la tribu de Quraysh. Et sa mère, elle s'appelait Fatima bint Zaida al-Amiriya al-Qurashiya. Donc son père et sa mère, ils faisaient partie de la tribu de Quraysh. Wulidat fi Mecca radiyallahu anha. Elle est née à Mecca avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, elle était plus âgée que le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Wa kanat radiyallahu anha ma'roufa fi qabilatiha, ay fi Quraysh wa fi Mecca. Elle était connue, elle avait un bon comportement, elle avait de la pudeur. Et radiyallahu anha, qila annaha luqibat bit-tahira. Il l'appelait fi Mecca at-tahira, ay la pure, radiyallahu anha. Amma qissat zawjiha aw zawajiha ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa qala al-hafiz ibn Hajar radiyallahu anhu aw rahimahullah al-isaba, inna as-sayyidata Khadija رضي الله عنها كانت ذات شرف وجمال في قريش. Elle était connue بالشرف والجمال dans sa tribu de قريش. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في تجارة لها رضي الله عنها إلى سوق بصرة أي في الشام. Ne pas confondre avec le Basra في العراق. هنا c'est بصرة بضم الباء. Aïe, c'est une ville, et elle est connue, là, il a yomil hada, fi Hasham, aïe, l'actuelle Syrie. Farabiha sallallahu alayhi wa sallam, dhi'fa ma kana ghayruhu yarbah, barakatun min Allah subhanahu wa ta'ala. Anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti, fi tijaratin li Khadija, Khadija, elle était connue kadhalik bil mal. Elle faisait du commerce et elle avait beaucoup d'argent. فالنبي صلى الله عليه وسلم travaillait pour elle au départ. فخرج مرة إلى الشام, أي l'actuelle Syrie. Il a gagné beaucoup d'argent عليه الصلاة والسلام par rapport aux autres qui travaillaient pour Khadija. قالت نفيسة أخت يعلى ابن أمية فأرسلتني خديجة إليه دسيسا أي خفية أعرض عليه نكاحها, أي elle a envoyé hadhihi al-mar'a nafisa pour proposer à Nabi sallallahu alayhi wa sallam de se marier. Fa qabila sallallahu alayhi wa sallam wa tazawwajaha wa huwa ibnu 25 sana. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a épousé Khadija, il avait 25 ans. Ma'a khilaf fi hadhihi al-mas'ala, lakin al-qawl al-mashhur ma dhakarahu al-hafiz huna. Walladhi زوجها عمها عمر. Celui qui a marié خديجة رضي الله عنها, c'est son oncle عمر. لأن أباها كان مات في الجاهلية. لأن son père خويلد, il était mort في الجاهلية. أي avant que خديجة, elle se marie avec le prophète صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله وحين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أيمن بنت 40 سنة. أي elle avait déjà été mariée رضي الله عنها, et elle avait déjà eu des enfants, et quand elle s'est mariée avec le prophète صلى الله عليه وسلم, elle avait 40 ans. كذلك على خلاف في المسألة لكن القول المشهور سكلا في 40 وكان كل نعم وكان كل أو كل شخص من قريش يتمنى أن يتزوجها فآثرت أن تتزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابت بذلك خير الدنيا والآخرة نعم فضل من الله الله سبحانه وتعالى إلى إلوي خديجة avec هذا الزواج المبارك أما كثير من رجال قريش يولس مغيا avec خديجة لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن celui qui s'est marié avec elle c'est le prophète صلى الله عليه وسلم أفضل الرجال أفضل البشر على الإطلاق عليه الصلاة والسلام فكما قال الحافظ فأصابت بذلك خير الدنيا والآخرة كما تقدم dans la مقدمة qu'on a fait en se mariant avec le prophète صلى الله عليه وسلم elle a tout gagné الدنيا والآخرة لماذا لأن في الدنيا الله سبحانه وتعالى جعل لها البركة في مالها ووقتها وأولادها إلى آخره beaucoup de baraka dans ses enfants, dans ses biens, dans son temps et elle est en compagnie pendant des années مع النبي صلى الله عليه وسلم et elle a vécu la révélation معه et elle l'a secouru فبركة عظيمة et كذلك في الآخرة لا شك أن خديجة من أهل الجنة Et elle sera en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam fil jannah fil firdaus il a'la. Wa hada tawfiqun min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a choisi wa alhamdulillah. Amma awladuha min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam et les enfants qu'elle a eu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam fa waladat lahu waladahu kullahum illa Ibrahim. Tous les enfants du prophète alayhi sallatu wa sallam min al-dhukur wal-inath C'est min Khadija, radiyallahu anha. Tous les enfants qu'a eu le prophète, sallam, leur mère c'était Khadija, illa Ibrahim, alayhi salam, wa ummu Ibrahim, hiya Maria al-Qibtiyya. C'était la mère de Ibrahim, le fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais tous les autres, c'est les enfants de Khadija. Et ça c'est une fadila azima kadalik. Elle a porté les enfants du prophète, alayhi salatu wa sallam. Amma le premier... Il s'appelait Al-Qasim wa huwa akbar waladihi wa bihi kana yukanna sallallahu alayhi wa sallam. C'était le premier fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait cette kunya par rapport à son premier fils Abu Al-Qasim alayhi salatu wa sallam. Thumma Abdullah wa kana yuqal lahu at-tayyib wa at-tahir li'annahu wulida ba'da an-nubuwwa 'ala as-sahih. Amma al-Qasim, c'était avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation. Amma Abdullah, et il le surnommait At-Tayyib ou At-Tahir, il est né alayhi salatu wassalam après An-Nubuwa, ala sahih. Thumma Zainab, il a eu deux garçons alayhi salatu wassalam, au départ avec Khadija. Thumma Zainab, thumma Ruqayya, thumma Umm Kulthum, thumma Fatima. Ensuite, il a eu quatre filles alayhi salatu wassalam. Donc ça fait six enfants ala al-mashhur. Et بعضهم يفرق entre الطيب والطاهر disent que c'est deux, لكن الذي يظهر ان عبد الله كان يلقب بالطيب والطاهر. وقد مات الذكران صغيرين, les deux garçons ils sont morts très petits. واما البنات فكلهن ادركن الاسلام. اما les filles de Khadija et du prophète alayhi salatu wassalam, elles ont toutes connu l'islam et c'était des muslimat, tahirat, radiyallahu anhun. Donc ces quatre filles, elles ont connu l'islam. فَأَسْلَمْنَا وَهَاجَرْنَا مَعَهَا عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامُ Et elles ont fait l'hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أما سيأتي معنا أن خديجة radiyallahu anha est morte avant l'hijra. قَالَ وَأَدْرَكَهُنَّ الْوَفَاةِ فِي حَيَاتِ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam Tous ses enfants, ils sont morts avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Illa Fatima radiyallahu anha. Sauf Fatima. C'est la seule de ses enfants qui est restée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqad ta'akhkharat ba'dahu sittata ashhur thumma kanat awwal ahlihi luhuqan bihi alayhi salatu wa sallam. Thumma radiyallahu anha, elle est morte. Et Fatima, six mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la première parmi les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam à avoir rejoint le prophète alayhi salatu wa sallam ay bad mawtihi alayhi salatu wa sallam. انظر هذا الكلام من سيرة ابن هشام عليه رحمة الله. أما فضائل خديجة رضي الله عنها فكثيرة. Les mérites de Khadija, ils sont nombreux. Ou on résume هنا en quelques points. Parmi ces mérites رضي الله عنها أنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est la première personne, min al-rijal wa min al-nisa, à avoir cru au message du prophète alayhi salatu wa salam. Qala al-imam al-Dhahabi rahimahullah, hiya awwal man amana bih wa saddaqahu qabla kulli ahad. Wa qala ibn al-Athir rahimahullah fi Usdul Ghaba, Khadijatun radiyallahu anha awwal khalqillah islaman bi ijma'il muslimin. لم يتقدمها رجل ولا امرأة. ابن الأثير رحمه الله إلى غبخت الإجماع. وهكذا الإمام الذهبي أقره وغيره من أهل العلم. Donc la première personne à avoir cru au message du prophète عليه الصلاة والسلام c'est Khadija. Aucun homme et aucune femme n'ont précédé. C'est une fadila عظيمة. La première à avoir cru au message du prophète صلى الله عليه وسلم et c'était son épouse et la mère de ses enfants. عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء فيتحنث فيه أي يتعبد. Avant de recevoir la révélation عليه الصلاة والسلام, il s'isolait dans cette grotte في حراء et كان يتعبد, il adorait Allah سبحانه وتعالى. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود عليه الصلاة والسلام لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. وتأملوا هنا un point important, أن في هذا الحال عليه الصلاة والسلام يسيزول أي في هذا الغار dans cette grotte à côté de Mecca. وخديجة elle avait déjà un rôle important, أنه عليه الصلاة والسلام revenait أحيانا il a le bait à la maison et كان يتزود et il prenait des provisions pour retourner s'isoler dans cette grotte. Tout ça بعون الله عز وجل ثم بخديجة رضي الله عنها. وهكذا المرأة, هكذا المرأة avec son mari qui fait des efforts في العلم, qui fait des efforts في العبادة, qui fait des efforts في الدنيا pour emmener de l'argent halal et pour préserver sa famille, أن المرأة تكون عونا له اللاد ولو بالكلام الطيب وبالدعاء كذلك en lui préparant ce qu'il a besoin. قالت عائشة رضي الله عنها فجاءه الملك أي جبريل عليه السلام فقال اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقاري. أي l'histoire des premiers versets que le prophète صلى الله عليه وسلم il a reçu. فجبريل lui a dit لي اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقاري. النبي صلى الله عليه وسلم يسافر باليا. وقال صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثلاث مرات. trois fois جبريل prenait le prophète صلى الله عليه وسلم et il le serrait très très fort. ثم قال جبريل عليه الصلاة والسلام la troisième fois اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Et il lui a révélé, alayhi salam, les premiers versets de sourate Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Faraja'a biha, ay bihadhihi al-ayat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yarjufu fu'aduhu fadakhala ala Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha faqala alayhi salatu wa sallam zammilouni, zammilouni. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la première fois khafa. C'était la première fois qu'il recevait la révélation et ce qui s'est passé avec Jibril quand il l'a serré, il a agré فخاف خوف طبيعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم c'est un bachar, c'est un être humain. Quand il est rentré chez Khadija رضي الله عنها قال زملوني زملوني أي غطوني بالثياب أي couvrez-moi. قال عليه الصلاة والسلام زملوني زملوني فزملوه ils l'ont couvert حتى ذهب عنه الروع أي الخوف فقال صلى الله عليه وسلم لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي ça, ça nous montre أن خديجة c'était sa confidente رضي الله عنها. Dans ces moments de khawf, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'être assisté, de parler à ses côtés, il y avait hadhihi al-mar'a as-saliha radiyallahu anha. Faqalat Khadija radiyallahu anha, kalla wallah ma yukhzik Allahu abadan. Quand il a informé Khadija radiyallahu anha, annahu il a eu peur, il a craint pour sa vie, c'était la première fois qu'il vivait هذا عليه الصلاة والسلام مباشرة ألا غاسيوغ هكذا المرأة مع زوجها. C'est pour ça qu'on vous a dit que ce genre de biographie, فمثلا هنا la biographie de Khadija, في الحقيقة c'est des دروس pour chaque femme, كذلك pour les hommes. لكن pour la femme mariée مثلا, comment se comporter avec son mari, ففوائد كثيرة وعظيمة dans la biographie de la première femme du prophète عليه الصلاة والسلام. كلا والله ما يخزيك الله أبدا. Elle lui a fait confiance. Elle a cru directement en son message. Elle l'a rassuré. Elle lui a montré qu'elle était avec lui. كلا والله ما يخزيك الله ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنها le connaissait. Elle savait qu'il était véridique. فلهذا elle a cité بعد ذلك إنك لتصل الرحم. أي tu fais tout pour préserver les liens de parenté. Ça montre annahu alayhi salatu wassalam il était al khair. Qalat wa tahmil al kal ay tunfiq ala al du'afa. Al nabi sallallahu alayhi wasallam il était karim, il donnait beaucoup, il aidait les pauvres, les orphelins, ila akhirih. Qalat wa taksib al ma'dum ay tu donnes à celui qui n'a rien. Vous connaissez le mot adam, al ma'dum c'est celui qui n'a rien. Qala wa taqri al dhayf ay tukrimuh. كذلك quand on reçoit un invité فتكرمه. Ça nous montre أن هذه المرأة elle connaissait فضل زوجها عليه الصلاة والسلام. Elle a jamais renié. بل dans ce moment أن النبي صلى الله عليه وسلم il a ressenti de la peur, de la tristesse, de la غربة. Elle l'a rassuré avec مثل هذا الكلام الطيب. قالت وتقري الضيف أي تكرمه وتعين على النوائب الحق. فتأملوا هذا الموقف هذه المرأة مع زوجها. Un درس pour chacun de nous. C'est un درس pour chaque مؤمنة. أن المؤمنة elle est là pour aider son mari si elle est mariée. Elle n'est pas là pour aggraver la situation. S'il a oublié, elle lui rappelle. Si il est dans une situation délicate, فَأَلَّا بِقَدْرِ مَا تَسْتَطِعُ وَلَوْ بِالْكَلَمِ الطَّيِّبِ قالت أي عائشة رضي الله عنها فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة c'était son cousin, le fils de son oncle, ورقة ابن نوفل رحمه الله. قالت وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية. C'est pour ça que خديجة رضي الله عنها quand elle a entendu ce qu'il s'est passé dans cette grotte, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a raconté, quand Jibril est venu, il lui a dit, elle a décidé d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller voir Waraqat ibn Nawfal. Ça montre qu'elle l'a assisté, radiyallahu anha, elle a donné de son temps. Et vu que son cousin Waraqat, il s'était converti au christianisme et il connaissait Al-Kitab, il avait du ilm. Elle a décidé d'emmener le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir la vie de Waraqa. فقالت خديجة رضي الله عنها يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. خديجة a dit à son cousin Waraqa, écoute ce qu'il a à te dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a raconté ce qu'il s'est passé à Waraqa. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. ورقة il a directement reconnu, directement compris Anna, c'est la révélation. C'est Jibril, alayhi salam, qui est descendu sur le prophète, alayhi salatu salam. Alayhada, il a comparé ce qu'il s'est passé au prophète, alayhi salam, avec Moussa. Et c'est exactement la révélation que Moussa y recevait. Enfin, ça montre Anna, Waraqa, rahmatullah alayhi wa radiyallahu anhu, il avait du ilm. Puis, alayhi al-masa'il, et ça montre que ذلك أنه صدق فلهذا قال يا ليتني فيها جذعا أي قويا. Et si seulement quand il va se passer ce qui va se passer بعد, et ce qui va décrire, كنت قويا أي pour t'assister. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. Ça montre أنه il voulait le خير. Et ça montre Annahu Saddaq, et il savait, il a su directement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à la haq, et il a espéré pouvoir secourir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que hadha ar-rajul Waraq ibn Nawfal, il est mort à la khayr. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amukhridi yahum, li'anna Waraqa ta'ammalu, qala li Nabi sallallahu alayhi wa sallam, laytan yakun hayyan id yukhriduka qawmuk. Et si seulement je serais vivant, quand ton peuple, ils vont te chasser. Ils vont te sortir de Mecca. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été étonné. Il venait de recevoir la révélation. Et ça montre. C'est un délire. Ah oui, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas le ghaib. Ilmul ghaib, c'est min khassa et c'est Allah azza wa jal. Amma Waraqa, il a su hada l'imada li annahu, il a étudié les biographies des anbiya avant lui. Et combien de prophètes, ils se sont fait chasser, ils ont été combattus par leur propre peuple. فلهذا il a informé un Nabi sallallahu alayhi wa sallam sunnatullah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi anna al-anbiya ils sont combattus par leur peuple. فَقَالَ لَيْتَنِي أَكُونْ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَمُخْرِجِيَّهُمْ est-ce qu'ils vont me chasser. فَقَالَ نَعَمْ وَرَقَالَ lui a dit نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطْ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ illa udiya ay imam an-nabi qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour faire le rappel à son peuple illa wa il a été combattu sunnatullah subhanahu wa ta'ala falihadha waraqa vu qu'il connaissait hadhihi al-mas'ala il a informé an-nabi sallallahu alayhi wa sallam et ça montre annahu il a cru hada ça montre clairement annahu il a cru en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lihadha qala lam yati rajulun qat bi mithl ma ji'ta bih ay min al-wahy. نستفيد نحن كذلك أن ما من صاحب حق celui qui suit النبي صلى الله عليه وسلم il aura قسط من هذا العداء celui qui fait des efforts في الدين في السنة il aura une part de l'animosité des ennemis du prophète صلى الله عليه وسلم qui le touchera لكن الصبر والعاقبة للتقوى هذه القصة elle est في الصحيح et on l'a cité هنا باختصار وبتصرف انا ريزومي والا فالا اطول الخلاصه ان خديجه رضي الله عنها الا اسيستي لو بروفيت عليه الصلاه والسلام دي لو برومي جور الا جامي رمي ان كوز سون كلام الا جامي دوتي ابدا سي بور سا ك العلماء اجمعوا اي سون اونانيم ان لا بروميير بيرسون افوار كرو بروفيت عليه الصلاه والسلام سي خديجه رضي الله عنها اي سي لا بروميير افوار سكورو et à l'avoir assisté. C'est une fadila azima pour cette femme radiyallahu ta'ala anha. Min fadailiha kadhalik anna Jibril alayhi salam ablagha salam min rabbiha. Anna Jibril alayhi salam marra il est venu et lui a passé le salam de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fi as-sahihayn an Abi Hurayra رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل il est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم مرة فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو شراب il a informé à خديجة elle arrive avec un récipient avec une boisson ou إدام قال جبريل il a informé que Khadija allait arriver. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامِ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي. Quand elle rentre, informe-la que Allah subhanahu wa ta'ala lui passe le salam et كذلك Jibril. فسين فضيلة عظيمة رضي الله عنها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وهي فضيلة لا تعرف لامرأة سواها. سمغت الله سبحانه وتعالى بلغها السلام وجبريل عليه السلام cette فضيلة elle est connue pour aucune autre femme إلا خديجة رضي الله عنها. من فضائلها كذلك أنها من أفضل نساء العالمين. Elle fait partie des meilleures femmes qui ont existé رضي الله عنها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين. حسبك أي كافيك، كافيك معرفتك فضلهن، هكذا يقول بعض أهل العلم. حسبك ونلبي هذا في درس كتاب التوحيد. حسبي الله ونعم الوكيل، أي حسبك أي كافيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فحسبك أي ستسفي، أي pour connaître فضل النساء de savoir que أفضلهن مريم ابنة عمران، أي la mère de عيسى عليه الصلاة والسلام. وخديجة بنت خويلد، la femme du prophète عليه الصلاة والسلام، sa première femme. وفاطمة، أي la fille du prophète صلى الله عليه وسلم et la fille de خديجة رضي الله عنها. فستة الابوس du prophète صلى الله عليه وسلم، et كذلك ستة la mère de l'une des meilleures femmes فاطمة رضي الله عنها. قال عليه الصلاة والسلام: وآسية امرأة فرعون. اي نعم، بنت مزاحم، la femme de فرعون آسية رضي الله عنهم أجمعين. نعم، الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع، وكذلك الإمام الوادعي في الجامع الصحيح عليهم رحمة الله. دوك الحديث إلى صحيح. وعن معاوية ابن قرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث. أي الكمال هنا في الفضل، الكمال هنا في الفضل، أي دون الأخلاق والتعبد إلى آخره. قال: إلا ثلاث، أي parmi les femmes que trois: مريم بنت عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد. صححه الإمام الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع. سي أحاديث يمونتر أن خديجة رضي الله عنها elle faisait partie des meilleures femmes. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam كثيراً il citait les femmes qui ont le plus de mérite dans plusieurs hadiths alayhi sallatu wassalam. Et tu remarques que dans la plupart de ces hadiths c'est cité le nom de خديجة. من فضائلها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة. Elle était vivante. Et النبي صلى الله عليه وسلم il lui a informé أنها elle allait rentrer في الجنة. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتقدم ذكره لكن on l'avait cité باختصار, on n'avait pas cité la fin. فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم quand il lui a passé le salam من الله ومنه, قال جبريل عليه السلام: وبشرها ببيت في الجنة من قصب, أي لؤلؤ, أي une maison من قصب, أي des pierres précieuses. لا صخب فيه, الصخب الصياح, رفع الصوت, أي الإزعاج. فهذا البيت qui est fait de pierres précieuses لا صخب فيه, أي y a pas de choses qui font du mal, des bruits إلى آخره. قال ولا نصب, النصب هو التعب, أي الراحة, حال أهل الجنة. فجبريل عليه السلام il a informé le prophète عليه الصلاة والسلام, ولا شك أن جبريل il était envoyé من الله سبحانه وتعالى. فإلى il a informé le prophète عليه السلام qui informe, qui annonce la bonne nouvelle à خديجة de ce بيت في الجنة. Et ça montre qu'elle rentrera في الجنة رضي الله عنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة أربع. سيدات, أي c'est les meilleures femmes في الجنة. Ça montre أن ces femmes elles sont في الجنة et c'est أفضل النساء في الجنة. أربع, quatre. قال عيسى عليه السلام إلى ستة كتفة مريم ابنة عمران وفاطمة ابنة محمد وخديجة ابنة خويلد وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون. الحديث صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. هذا كذلك فضل عظيم لهذه المرأة. من فضائلها parmi les mérites de خديجة رضي الله عنها كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. النبي صلى الله عليه وسلم il parlait souvent de خديجة, أي après la mort de خديجة رضي الله عنها. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. هذه الغيرة أي l'envie, c'est من طبيعة النساء خاصة لكو إبوز. فخديجة رضي الله فعائشة رضي الله عنها هنا لا دي dans ce hadith elle n'a pas envié une femme comme elle a envié خديجة. قال من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. أن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a cité souvent. حتى أحيانا il envoyait des sadaqas pour la famille de خديجة ou pour ses amis, les femmes qu'elle connaissait, il a akhiri. Et il citait souvent خديجة. قال الحافظ في الفتح رحمه الله ابن حجر وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة. وهذا c'est واضح. أن le fait que النبي صلى الله عليه وسلم il l'a cité souvent, ça montre qu'il l'aimait beaucoup. لأن celui qui parle souvent d'une personne en bien, ça prouve qu'il aime cette personne. نستفيد نحن من هذا الحديث أن الرجل لا ينبغي له أن ينسى فضل المرأة الصالحة. Si un homme parmi les hommes أكرمه الله سبحانه وتعالى بمرأة صالحة et elle lui obéit et elle l'assiste et elle l'aide et elle prend soin de lui et elle éduque ses enfants à la sunna, هذا الرجل يدوى بولي هذا الخير. Et on a un modèle, qudwa, uswa, fi nabiyina Muhammad alayhi salatu wasalam. Il n'a jamais oublié le bien de Khadija. Il a dit, après sa mort, et il l'a cité souvent. Amma, oublier kufr, al-ni'am, wal-juhud, et ne oublier le khayr, iyadam billah, fahada, c'est pas min akhlaq al-fudala. Ou hakada al-nisa. Ay, si l'homme, il fait des efforts, il fait du khayr. لا شك أن شكاً parmi nous il a des faiblesses والضعف في النساء il est أكثر, لكن ne pas oublier le خير. لأن بعض النساء خاصة plus que les hommes ils oublient très vite le خير. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن les femmes elles seront plus nombreuses في النار. Quand ils lui ont demandé pourquoi يا رسول الله قال لأنهن تكفرن العشير. كفر العشير c'est هذا. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, et c'est une cause qui fait rentrer Vinnar, c'est oublier le khayr de son conjoint. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais oublié khayr Khadija. On doit faire des efforts fi hada. Enfin, l'adl, c'est matloub, être juste. Et s'il y a des erreurs, les corriger. S'il y a des manques, un nasiha, et addu'a an Allah subhanahu wa ta'ala, yuslih al-ahwal. Falihada, dans une riwaya, quand Aïcha radiyallahu anha, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, annahu il cite souvent Khadija, wa qalat la annaha, et Allah subhanahu wa ta'ala il l'a remplacé par Aïcha. Quand elle a dit ça au prophète alayhi salatu wa sallam, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a démontré à Aïcha radiyallahu anha pourquoi il l'a cite souvent. Qala alayhi salatu wa sallam, qad amanat bi إذ كفر بالناس. أي elle a cru en moi le premier jour, alors que les gens ils n'ont pas cru au départ. كثير منهم ils n'ont pas cru au prophète عليه الصلاة والسلام. وصدقتني إذ كذبني الناس. أي elle a su que j'étais véridique, alors que كثير من الناس au départ ils pensaient que النبي صلى الله عليه وسلم il n'était pas صادق, il n'était pas véridique. قال وواستني بمالها إذ حرمني الناس. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم informé أنها لا إدي حتى avec son argent عليها رضوان الله. ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. Hatta la seule femme avec qui il a eu des enfants, c'était Khadija radiyallahu anha. Fala'alla hada al-hadith, c'était avant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait eu comme enfant Ibrahim avec Maria al-Qibtiyya. Falhadar min kufr al-ni'am. On fait attention à hada. La yashkuru Allah man la yashkuru al-nas. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné une ni'ma, que ce soit mar'atun saliha pour l'homme, une épouse pieuse pour l'homme, ou rajulun salih pour la femme, on fait attention de ne pas oublier al-fadl. Wa ashaddu min dhalik, c'est un tambih, huna on en profite, an al-ba'd, iyadan billah, rubbama yatazawwaj, se marie ma'a mar'atin, avec une femme, بعض الرجال يلوبلي فضل والديه وهذا سأشد وبعضهم يسسون مغي عيدا بالله وهجروا بير إمار عيدا بالله الأب سالأب إلى المنزل عظيمة والأم سالأم إلى المنزل عظيمة أما الإنسان يلوبلي فضل والديه أن سيبارون ils étaient présents avant cette femme ils l'ont éduqué كم تعبوا كم أنفقوا كم نصحوا ربما cet enfant il aura fait des problèmes et تحملوا إلى آخره حتى cet enfant il est devenu adulte et ils ont fait les causes pour qu'il soit heureux qu'il se marie ثم هذا المجرم يلوي الخير والله بعضهم حتى الزيارة rendre visite à leurs parents ils n'ont plus le temps. لماذا لأن ils sont occupés avec فلان ils doivent sortir avec فلان عيادا بالله الإسلام c'est une نعمة et السنة c'est une نعمة et plus l'insan il s'écarte de l'islam ou السنة plus عيادا بالله il donne plus الحقوق لأهل الفضل بل بعضهم tellement qu'ils se sont écartés حتى حق الله عز وجل et ne font plus d'efforts pour appliquer حق الله أي العبادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والتوفيق. ثم رضي الله عنها توفيت أم المؤمنين خديجة بعد موت أبي طالب أي لونكل دو بروفيت صلى الله عليه وسلم بنحو شهرين. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. Certains savants disent que Khadija elle est morte après Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 jours, pardon, ils disent 2 mois. Ala kulli hal, ils sont morts la même année. Qala Ibn Ishaq, rahimahullah, thumma, Ibn Ishaq fi sira, sira ibn Hisham, thumma inna Khadija wa Abu Talib halaka fi amin wahid. Al-ulama, ils emploient le mot halaka pour dire mata. C'est pas forcément une connotation négative. Tu dis halaka fulan, aymata fulan. Qala fatataba'at ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al-masa'ib bi halaki Khadija. C'était une très grosse épreuve pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette même période, une différence de 1-2 mois, de quelques semaines, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort. Ma annahu kana ينصر النبي صلى الله عليه وسلم يلدي للبروفيت عليه الصلاة والسلام اي قريش يفزي با دو بوكو دو مال ا سيت ايبوك او بروفيت صلى الله عليه وسلم لان سون اونكل ابو طالب il était encore vivant quand il est mort ils ont fait beaucoup de mal au prophète عليه الصلاة والسلام فسون اونكل كي لدي اي كذلك مع سون اونكل il est mort على الكفر كما جاء في الحديث يا عم قل لا اله الا الله il a refusé et avant sa mort قال انا على ملتي عبد المطلب فإلى مر على الكفر لكن مع هذا il aidait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et c'était son oncle et c'est lui qui l'a élevé ila akhir fa il l'a perdu ثم il a perdu sa femme عليه الصلاه والسلام quelque temps après فلهذا قال الائمه العلماء في كتب السير أن ستاء مصيبة فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب وهكذا أهل الصلاح أهل الصلاح ils sont éprouvés الأنبياء ils ont été beaucoup éprouvés الشد الناس الأنبياء et كذلك ceux qui les suivent ثم الأمثل فالأمثل لكن الإنسان يصبر فلهذا العلماء يذكرون أن après la mort de Khadija رضي الله عنها donc elle est morte. Sanat qila thalath ayyam, n'am, par rapport à Abu Talib, elle est morte, radiyallahu anha, sanat ashr min al-bi'tha. Donc elle a vécu la révélation pendant 10 ans, fi Mecca. Qabla al-hijra bi thalath sinin. Avant la hijra ila al-Madina, 3 ans. Wa qabla an tufrad as-salah. Hakada yaqul ulama as-siya. Elle est morte avant que la salat elle devienne obligatoire. Wa ba'd al-ulama yaqulun anna après la mort de Khadija, عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وبعض العلماء يقولون لعل هذا من باب pour apaiser le prophète عليه الصلاة والسلام. Il était في ضيق, il était في شدة, il a perdu sa femme, il a arrêté. فالله سبحانه وتعالى il l'a élevé au cieux. قصة الإسراء والمعراج معروفة. وفرضت الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم il a vu ce qu'il a vu في تلك الليلة. وتوفيت رضي الله عنها وهي بنت 65 سنة. Elle avait 65 ans quand elle est morte, radiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait à peu près 50 ans. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lamma tazawwaja bi Khadija, il avait 25 ans. Taqriban. Et il a vécu avec Khadija 15 ans. Radiyallahu anha, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma tazawwaja alayha. Il ne s'est pas marié avec une autre femme tant qu'il était marié avec Khadija. Thumma, alayhi salatu wasalam, après la mort de Khadija, fa alayhi salatu wasalam, il s'est marié avec Saouda, thumma avec Aisha. Fa Aisha alayhi salatu wasalam ma'a Khadija 25 années. Dufinat fi Mecca wa nazala Rasulullah sallallahu alayhi wasalam fi qabriha. Yadhkurun hadha fi kutub as-sira. La shak annaha la été enterrée fi Mecca. Et celui qui est descendu fil qabr pour déposer Khadija, c'était le prophète alayhi salatu wasalam. Wa lam takun yawma idhin as-salat 'ala al-janaza. C'était pas une sunna, elle était pas encore légiférée as-salat obligatoire ou la salat al-janaza. Falihadha al-ulama ils ont pas cité anna an-nabi sallallahu alayhi wasalam ils ont fait salat al-janaza li'annahu c'était pas encore mashrou'. Si j'ai dit 40 ans quand elle est morte, belle 50 ans. Si c'est 3 ans avant l'hijra, il a fait l'hijra, Thumma 10 ans à Médine, il est mort à 63 ans, alayhi salatu wassalam. Enfin, quand Khadija elle est morte, il avait 50 ans, alayhi salatu wassalam. Elle est morte, ah oui, il s'est marié avec elle à 25 ans, alayhi salatu wassalam. Il est resté 25 ans, ma'aha. Enfin, quand elle est morte, il avait 50 ans, alayhi salatu wassalam. Enfin, il s'est marié avec sa deuxième femme, Saouda, et il avait 50 ans, alayhi salatu wassalam. Thumma Khadija, il a akhiri. هذا هو الصحيح on répète أن ces chiffres dans certains cas il y a des khilaf لكن على المشهور. On conclut هذه الكلمة المختصرة بكلام لابن إسحاق ورحمه الله في السيرة لابن هشام قال كانت رضي الله عنها أول من آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وصدق بما جاء منه فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. C'est la première à avoir cru. كذلك c'est la première à avoir صدق النبي صلى الله عليه وسلم. Et elle était la cause أن الله سبحانه وتعالى خفف على نبيه. الله سبحانه وتعالى il a allégé, لأن c'était très dur au départ la révélation. C'est une énorme responsabilité. كذلك le peuple qui est à Mecca Quraysh, ils ont combattu le Nabi صلى الله عليه وسلم, ils se sont moqués de lui. فالله سبحانه وتعالى خفف عليه بهذه المرأة الصالحة. هكذا المرأة elle doit être avec son mari. Elle doit tout faire pour lui alléger. لأن le mari, خاصة si il a une مسؤولية, une responsabilité, خاصة si c'est une responsabilité في العلم والدعوة. فكم من الناس يطعنون وكم من الناس يسون با داكور اي ربما كنت يسورت في البيت من البيت فدي شوز يس باس كو هذه المراه هل سي با فعل المراه ان تخفف عليه هكذا parmi les rôles de la femme musulmane et chaque femme a un exemple في خديجه رضي الله عنها قال ابن اسحاق لا يسمع شيئا مما يكره اخلاق عاليه. النبي صلى الله عليه وسلم il entendait jamais min Khadija un kalam qu'il n'aimait pas. لماذا؟ لأن خديجة elle connaissait حقوق الزوج et elle savait la ni'ma dans laquelle elle était. أن الله سبحانه وتعالى وفقها elle s'est mariée بأفضل الرجال. قال من رد عليه وتكذيب له حتى répondre كانت لا ترد. وهذا من الأدب. Et ça, c'est une faïda azima pour préserver les couples. Une femme qui a l'habitude de répondre, qui n'est jamais d'accord, daiman ala i'tirad, ça cause al-shiqaq, iyadun billah. Ça cause al-ikhtilaf, c'est une cause de furqa. Dans un couple, la bud, chacun des deux conjoints, l'époux et l'épouse, y'arifuna huquqahum. Et kadalik y'arifuna wajibatuhum, c'est muhim hada. Amma, كل واحد dit ce qu'il veut, كل واحد rejette l'autre, كل واحد veut le dessus. Cette vie de couple, ça devient une vie, iyadun billah, de ta'b et de dhiq. Amma, ta'ammalu, hal Khadija radiallahu anha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais entendu une chose, yakraho. Wa lam tarud alayh. Bab awla at-takdhib. Qala ibn Ishaq, rahimahullah. قال فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها. أي نعم. أي كانت النبي صلى الله عليه وسلم واحد يلكز أو واحد يكذبه مهم كانت يغسنت أمال على الاكستيريور فيرجع إلى البيت قال إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam revenait, il allait, il trouvait Khadija. Il trouvait Khadija et qui lui disait un kalam tayyib pour les réconforter et la akhira. Qal wa tukhaffif alayhi wa tusaddiquhu wa tuhawwin alayhi amr an-nas. Tuhawwin alayhi amr an-nas. Et ça, c'est un rôle important pour la femme. Et hada, c'est un radd ala a'da' al-islam qui propage wa yakdhibun wa hum ya'lamun. Et il propage al mar'a qui reste à la maison, elle n'a aucun rôle, elle est rabaissée, c'est comme une esclave. Limadha li annahum yakunisba al mar'a al muslima qui a la thabat. مثل Khadija radiyallahu anha. Elle a assisté afdal al bashar. Et elle a assisté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était un qa'id, un amir. C'était le chef d'une umma et elle l'a assisté dès le départ. Ils ont reconnu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a joué un rôle important, il avait une énorme responsabilité, il a akhiré. Qui c'est qui assistait fi sirr fi le bayt? Nabi ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa femme et toutes ses femmes. Après Khadija, Saouda, wa Aisha, wa Hafsa, il a akhiré. Mais ce qu'ils essayent de propager a'da'u l'islam, la femme n'a aucun rôle, il a akhiré, tout ça, wallahi, c'est harb ala hadhi al-mar'a. Et combattre la femme pour mieux combattre l'homme. Si cette femme elle est combattue, wa tad'uf, et elle n'a plus ce rôle, fil bayt, qui c'est qui va éduquer les enfants? Qui c'est qui va assister ces hommes? Fali hadha hum, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent donner un autre rôle à la femme? Walil asaf, certaines muslimates, elles pensent que c'est ça l'hurriya. Elles pensent que c'est ça, at-taqaddum. Et elles sont plus arriérées en sortant de chez elles ila akhiré. Et elles miskinat, elles ravilat, elles savent pas, c'est exactement ce qu'ils veulent, al-kuffar. Et les prendre comme des objets. Wa illa fal mar'a fi baytiha, elle a un rôle énorme. Lakin, en suivant al-Qur'an wa sunnah. Amma, si on s'écarte du Qur'an wa sunnah, même si tel homme ou telle femme, ils pensent annahum, ils ont réussi. Que ce soit professionnellement ou autre, wallahi c'est min al-dhaya'. Et on a un exemple azim fi sirati hadhihi al-mar'a. Qala Allah azza wa jalla wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah. هكذا قول الله عز وجل. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité الرجال et il a cité كذلك النساء لتسكنوا إليها. Et هذه المرأة, c'est comme un second pour toi. Et pour te reposer, pour être écouté quand t'atab. Et أحيانا, tu as des problèmes en dehors de la maison. Foulan il accuse, Foulan il ment, Foulan يقول إلى آخره. Fait tu reviens في البيت et tu trouves هذه المرأة. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala جعل بين الرجل ومرأته مودة ورحمة. Plus on s'écarte de ces exemples, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Khadija, les compagnons, que ce soit homme ou femme, as-salaf, a'immat as-sunnah, plus on s'écarte de ces exemples, plus on s'écartera de hadhihi al-mawadda et hadhihi ar-rahma, fal-inaya bi sirati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa sirati as-sahaba wa as-sahabiyat wa bil-akhas ummahat al-mu'minin wa tarbiyatu al-abna ala dhalik. On insiste أن سيبيوغرافي دو با فير كوم اهل الجهل والبدع انهم مثلا ليستوار دو خديجه كما تعلمون ils en ont fait un film, un dessin animé pour les enfants, كذلك ils l'ont fait en forme de bande dessinée ou des livres pour enfants. Tout ça c'est من الحرام. On n'a pas le droit de représenter هؤلاء et on n'a pas besoin de faire des dessins animés pour les enfants comme ils ont fait toutes les générations avant nous. On n'a pas besoin de hada. Là, ton enfant, donne-lui du temps. Là, qu'on vit dans une époque de dhaaf. On a vu que les parents, eux-mêmes, ils connaissent pas l'histoire. Eux-mêmes, ils connaissent pas Sira. Eux-mêmes, ils donnent pas du temps. Alors, Obama, il va sur Internet et il cherche un kada, il trouve tel dessin animé pour se rassurer, vu que ça parle du din. Fayadhun annahu ili ala shayyu. Hada, tout ça, c'est batil. On n'a pas le droit de faire ça avec nos enfants. Abadin. Ton enfant, tu lui donnes du temps, tu écoutes un dars, tu le résumes. Si tu connais pas l'arabe, et si tu connais l'arabe, tu reviens à Kutub Sira et tu résumes et tu expliques à tes enfants. Ar-Rasoul, il était kaza, il a fait telle chose, il s'est marié avec telle femme. Et tu verras que tu vas tirer des fawaïd très très simples. Amma, utiliser le haram pour apprendre, il n'y a aucune baraka. Falihada, inda haoula, vous avez remarqué, l'enfant, il ne distingue plus. Il va regarder un dessin animé sur le sahaba, thumma, il va regarder un dessin animé sur autre chose qui n'a rien à voir avec din. Et dans son cœur, al-manzil al-azim de ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça a plus beaucoup de valeur. Pour lui, ça reste un dessin animé parmi les dessins animés. Est-ce qu'il va mettre en application là? Il y en a pour lui, c'est qu'un dessin animé. Là, ça c'est du din, ça doit être dans une jalsa où il n'y a pas de haram. Et on donne de l'importance, et alhamdulillah, yakun khayr. Wa illa, si on ne fait pas ça, t'es faux. I'lam, wa al-jami' na'lam. On a tous besoin d'un modèle, la bout. Même un insan, il a un modèle. Imma ce modèle, il sera à la salah wa taqwa ila akhir. Imma ce modèle, il sera à la shar wa fujur, rubama kufr wa zandaqa ila akhir. La bud, l'insan, il a un modèle. La bud, khassatan les enfants, au départ. Si c'est pas son père, ça sera un autre. Enfin, éduquer les enfants dès le plus jeune âge. Et elles benet. Les femmes, elles ont un da'f akthar. Et Robama, leur sentiment ou l'artefal s'accroche encore plus vite à un modèle. Enfin, si ce n'est pas le bon, Robama tahlak. Combien de... On parle min al-muslimat al-banat, elles ont comme modèle l'un des chanteurs. Wallahi, tu trouves akh Robama, al-sunna ou al-mujjid ou al-ilm. Et vu qu'il y a une faiblesse vie al-tarbiya, et Robama fil-bayt, sa fille ou son fils, il regarde tout et n'importe quoi, du sport, il a akhiré. Et Obama, le père, il a la sunna, et la fille, Iyadun Billah, elle a comme modèle un fajir, un kafir, un mujrim. Iyadun Billah, c'est la yaliq. On doit faire des efforts. Hadil bin Sidé, son plus jeune âge, elle a un modèle, min al-kuffar ou min al-fussaq, il a akhiré. Son cœur, il sera pris par ce modèle. Il n'y aura plus la place pour Khadija, radiallahu anha, pour le prophète, alayhi salatu wassalam, pour Aisha, radiallahu anhum ajma'in, et autres min a'immat al-islam. L'yanna al-qalb, c'est comme un récipient. S'il est plein, il n'y a plus de place. Pour le remplir, il faut le vider. Et on ne le videra pas avec les téléphones. À chaque fois que le père ou la mère, ils ont une faiblesse, le téléphone. Le téléphone, il y a des masa'ib. Iyadan billah. Alain, tu vois, un enfant, Rubama, il est très petit. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Wallah, il maîtrise le téléphone comme un adulte. C'est une masa'iba. Et tu le trouves, il rentre dans tel programme, telle chose. Et il choisit ce qu'il veut, des masa'ib. Cet enfant, il va grandir aujourd'hui, il regarde un dessin animé, demain, il va regarder quoi? C'est qui le responsable? C'est l'ab. Et c'est l'homme. Donc on répète, ce genre de rose dans la biographie, c'est pas pour passer le temps. C'est pas pour raconter des histoires aux enfants pour les faire dormir. Yadam billah, là. Ces histoires, c'est une tarbiya. C'est une tarbiya, ça doit être un mode de vie pour l'enfant. Et tu lui fais comprendre, il doit essayer d'appliquer. Amma 5 minutes ou 10 minutes pour qu'il dort, thumma la journée à l'école, indal kuffar, ثم au sport avec le kuffar, ثم avec le fossar, ثم il finit la journée avec le téléphone, et à la fin, quand l'enfant il a plus de force, il n'entend plus rien, il cherche qu'à dormir, ils lui mettent بعضهم 5 minutes de sirah, il dort, et Allah alim qu'est-ce qu'il a retenu. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات من المراجع qu'on a utilisé في هذه الكلمة les références bien sûr السيرة لابن هشام كذلك زاد المعاد لإمام القيم إلى سيتي باختصار ما يتعلق بأمهات المؤمنين هناك رسالة طيبة للأخ فيصل الحاشدي حبيبات المصطفى صلى الله عليه وسلم c'est une رسالة مختصرة إلى سيتي les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam naktafi bi hadha al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.